La famille des comtes de Télek était l'une des plus anciennes et des plus illustres de la Roumanie. À 21 ans, orphelin de père et de mère, Franck décide de partir et de compléter par des voyages la maigre instruction qu'un vieux prêtre italien lui a dispensée. Il parcourt pendant 4 ans l'Italie, où il admire ses trésors d'art. Il tombe amoureux de la Stilla, une magnifique cantatrice de 25 ans, comme lui, qui se produit au théâtre San Carlo de Naples. Poursuivant en vain de ses feux la belle cantatrice, il se découvre un rival. C'est un homme de 50 à 55 ans. On ne lui connaissait qu'une passion, entendre la prima donna. Il y avait 6 ans déjà que cette excentrique dilettante ne vivait plus que pour l'entendre. Jamais il n'avait cherché à la rencontrer ailleurs qu'à la scène. Quel était ce spectateur si assidu? La Stilla avait en vain cherché à l'apprendre. Un compagnon, non moins hétéroclite que lui, partageait son existence. Cet individu s'appelait Orphanique. À l'entendre, il était un de ces savants méconnus dont le génie n'a pu se faire jour et qui ont pris le monde en aversion. Ce personnage était d'origine roumaine. Lorsque Franz de Télek demanda comment il s'appelait, on lui répondit « le baron Rodolphe de Gortz ».